بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 24 بعد المئة، 74 كيستيون. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس إذا كانوا في مجلس مثلا بالفتيا فيه ولبدء آرائهم في تلك المسألة وبغير علم غالبا، فما تعليقكم يا فضيلة الشيخ على هذه الظاهرة؟ وهل يعتبر هذا الأمر من التقديم بين يدي الله ورسوله؟ Donc il a dit, le questionnaire, souvent cette question est posée. Et là, il vise les choses de la religion. Il dit, les gens du commun, les awam, se précipitent et se concurrencent à y répondre. Par exemple, ils sont dans une assise, ils sont dans une réunion entre eux, quelqu'un pose une question, et tous se mettent à répondre et à faire des fatawas et donner leurs avis sur cette question. Et le plus souvent, cela sans science. Donc qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Et est-ce que cela est considéré comme étant le fait de vouloir devancer Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam? فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمَعْلُومَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي دِينِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc il a dit, il est connu qu'il n'est pas permis à la personne de parler en religion sans savoir, sans ilm. Dans le sens où Allah dit que mon Seigneur n'a seulement rendu licite que les turpitudes, ce qui est apparent ou qui est caché, ainsi que le péché, ainsi que l'injustice, la tyrannie sans droit, et d'associer Allah ce qui n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Al-A'raf, verset 33. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ وَرِعًا خَائِفًا مِنْ أَنْ يَكُولَ عَلَى اللَّهِ بِعْلِهِ وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي لِلْعَقْلِ فِيهَا مَجَالِ. Donc il a dit ce qui est obligatoire à la personne, c'est de faire preuve de retenue et d'avoir peur de ne parler sur Allah sans science. Car cela, ce ne sont pas des choses mondaines dans lesquelles la raison a sa place. عَلَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِنَ الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي لِلْعَقْلِ فِيهَا مَجَالِ فَإِنَّ الْإِنسَانِ يَنْبَغِي لَهُ أَيَتَأَنَّ وَيَتَوَرَّى وربما يكون الجواب الذي في نفسه يجيب به غيره فيكون هو الحكم بين المجيبين وتكون كلمته هي الأخيرة الفاصلة. Il a dit que quand bien même il s'agirait des choses de la dunya qui aurait dans laquelle la raison aurait sa place, alors la personne le meilleur c'est qu'elle soit fait preuve de précaution, elle ne se précipite pas. Car il est possible que la réponse qu'il va lui donner, autre que lui, la donne également. Donc lui, il se tait, il attend que tout le monde parle, et que sa réponse à lui sera la réponse qui sera la décisive. Comme l'auteur, Messalen, l'explique par la suite, que plusieurs personnes, par exemple, entrent dans un débat, une chose de la dunya, il parle. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il garde le silence. Il laisse les gens s'expliquer, car ça sera ce que lui va dire, d'autres vont le dire également. Donc il laisse dire à sa place. Et il se peut que des gens disent des choses qu'ils ne savaient pas, lui-même. Donc il laisse parler, et au final, une fois qu'il a entendu tout ce qui a été dit, lui il donne un kalem, on va dire, qui regroupe tous ces avis-là pour apporter l'avis qui est prépondérant. Donc il aurait été plus sage que les autres. C'est à ça que l'auteur appelle ce qu'il préconise. قال وأما الأمور الدينية فلا يجوز أبدا أن يتكلم الإنسان إلا بعلم يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أقوال أهل العلم. Quant aux choses de la religion, il n'est pas permis, sûrement pas, à la personne de parler sans science, d'une science qu'il aura prise du livre d'Allah ou de la sunna de son messager عليه الصلاة والسلام, ou alors des paroles des gens de science. Et comme le dit Cheikh Al-Fawzan, حفظ الله تعالى que quelqu'un qui viendrait à dire une chose sur la religion même s'il a raison mais qu'il l'a dite sans science il aura pris le péché. Par exemple, quelqu'un pose une question en religion. Est-ce que telle et telle chose est permise? Lui dit, oui, c'est permis. Par exemple. Mais il a parlé selon sa raison à lui, selon son avis à lui. Il n'a aucune preuve de ce qu'il dit. Et la chose, réellement, elle est permise. Ou alors il dit, non, c'est pas permis. Et pour de vrai, la chose n'est pas permise. C'est-à-dire, sa parole coïncide avec la vérité. Cependant, il a parlé sans savoir pourquoi. Il n'a pas la preuve de ce qu'il dit. Dans ce cas-là, eh ben même là, il aura pris le péché car il aura parlé sans science. Et aujourd'hui, c'est une moussiba que l'on voit dans la religion, que trop de gens viennent s'avancer et s'exprimer et parler au nom de la religion alors qu'ils n'en ont pas la maîtrise. Voire même certains se disent maîtriser des sujets alors qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne parlent même pas l'arabe et rentrent dans des questions épineuses et se voient comme étant les gens de référence dans le domaine. Chose qui n'est pas le cas. Et ça, c'est Shaitan qui embellit les choses à la personne. Et souvent, tu verras les gens se comporter comme ça, ce sont les gens qui sont loin des savants. Car quelqu'un qui aura connu les savants aura appris un peu la valeur de sa personne. Comme je le répète souvent comme exemple, celui qui n'a pas connu les montagnes voit les collines comme étant vertigineuses. Il monte sur une colline, il se voit qu'il est trop haut. Parce qu'il ne connaît pas les montagnes. Il ne connaît pas la montagne. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens qui n'ont pas appris la religion auprès de les gens qui la connaissent réellement. Ils ont pris dans les livres, comme ça, à droite à gauche, des audios à droite à gauche, surtout des vidéos sur YouTube, à droite à gauche, et ils ont cru qu'ils avaient atteint un niveau élevé, chose qui n'est pas le cas. Donc faire attention à cela. D'accord ? Faire attention à cela. Naam. ثم سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم ما درج على ألسنة بعض الناس من قولهم حرام عليك أن تفعل كذا وكذا. Donc dans la 126e question, il a été interrogé, qu'en est-il de ces personnes qui ont tendance à dire c'est haram sur toi de faire telle et telle chose. C'est haram sur toi de faire telle et telle chose. فأجاب رحمه الله تعالى هذا الذي وصفه بالتحريم إما أن يكون مما حرمه الله كما لو قالوا حرام أن تعتدي الرجل على أخيه أو أن يعتدي الرجل على أخيه وما أشبه ذلك فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع. Donc il a dit maintenant si cette chose qui a été décrite comme étant haram de faire est réellement une chose que Allah a rendu haram, comme par exemple quelqu'un qui dit c'est haram de s'en prendre à son frère en religion, de s'en prendre à lui injustement. D'accord. Donc cela, il n'y a pas de mal, car c'est une chose qui vraiment qui est haram en religion. أما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظا لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحله الله عز وجل أو يوهم الحجر على الله عز وجل في قضائه وقدره. Donc maintenant le fait de dire cela, d'accord, juste on voit le prononcer, car des gens des fois disent c'est haram sur toi de faire ça, mais ils veulent pas parler le haram de la religion, ils veulent juste dire que c'est une chose qui n'est pas correcte, mais ils emploient le terme haram. Donc employer ce genre de terme, cela laisserait penser qu'il s'agit d'un tahrim, une chose illicite liée à la religion. Donc cela viendrait à rendre haram une chose que Allah a rendu halal. Et cela viendrait à rentrer dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري لأن التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا وما يتعلق بفعل الله عز وجل فإنه يكون تحريما قدريا وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريما شرعيا. Et cela du fait qu'ils veulent, eux, le tahrim par rapport à la cause. Car le tahrim, le fait de dire qu'une chose est haram, cela peut être soit lié à la cause, aux choses mondaines, ou soit à la législation. Et ce qui concerne les actes d'Allah Azzawajal, cela revient justement au tahrim qui est lié aux causes. Et quant à ce qui concerne à la législation, cela revient à un tahrim qui, lui, est législatif. Mathalan, quelqu'un va te dire, il n'est pas permis, haram, de devancer l'imam dans la salat. Ça, c'est quoi ça? C'est shari. Et c'est vrai, ce n'est pas permis. D'accord? Ce n'est pas permis. Et quelqu'un d'autre va te dire, par exemple, il n'est pas permis, il va dire haram alayk, an takhruj hakadha bil malabis al-khafifa fi bard. Il va dire, par exemple, c'est haram, tu sortes comme ça, habillé comme ça, alors qu'il fait froid. D'accord? C'est quelqu'un, par exemple, c'est une personne, elle supporte le froid, et elle sort, mais elle sans veste. Elle a juste un pull, au-dessus de son camis, ou quoi. Et quelqu'un lui dit, haram, tu peux pas sortir comme ça, il fait froid dehors. Tu vois? Eh ben, lui, à ce moment-là, tu ne peux pas lui dire ça. Car il va te dire, mathalan, que lui supporte le froid. Et qu'il n'y a pas de texte qui l'interdise de s'habiller comme ça. Bien qu'il y ait des hadiths qui sont venus pour dire, la darar wa dirar, de ne pas faire ce qui peut nous nuire. Mais lui va te dire, moi, ça ne me nuit pas à moi. Je suis quelqu'un, j'ai grandi dans le froid, je connais le froid. Et le froid qu'il y a dehors, comme je suis habillé, je le supporte. Eh ben, lui, tu peux pas lui dire haram alayk de faire cela. En fait, tu devrais lui dire, ya akhi, Mathalan, c'est pas raisonnable de sortir comme ça. C'est pas correct. D'accord? Mais lui dire c'est haram, ça non. Et car beaucoup de haram, ils font ça. En tout cas, ici au Yémen. Souvent, ils disent haram alayk kaza wa kaza. Et ils disent par cela une chose qui, elle, n'est pas liée à la religion. Tu vois, haram tafal hada. Tu vois. Par exemple, il fait froid, tu veux boire un verre d'eau froide, il va dire haram tashrab hada. Tu vois. Eh ben, ça non. Faut pas le dire. Mais faut dire, ya akhi, ma yaslah. Au mamnour, à ma haram, ça peut amener à une mauvaise compréhension. C'est ça que l'auteur veut dire par là. Donc, le shir dit, فالمهم أن الذي أرى أنهم يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدوا عنها. وإن كان قصدهم في ذلك شيئا صحيحا والله موفق. Il a dit, donc moi je considère que les gens doivent délaisser ce genre d'expression, cette parole-là, et s'en éloignent. Même s'ils veulent parler un sens qui est vrai. Dire haram, cela est haram pour une chose qui vraiment est mauvaise, mais qui n'est pas forcément liée à la religion ou quoi. D'accord, il ne faut pas le faire. هذا الذي ردنا اليوم بهذه الأسئلة والحمد لله رب العالمين.